Premier livre des Chroniques, chapitre 16. Ils amenèrent donc l'arche de Dieu, et la posèrent dans le tabernacle que David lui avait tendu, et on offrit devant Dieu des holocaustes, et des sacrifices de prospérité. Et quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices de prospérité, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Et il distribua à chacun, tant aux hommes qu'aux femmes, un pain, et une pièce de chair, et une bouteille de vin. Et il établit quelques-uns des Lévites devant l'arche de l'Éternel, pour y faire le service, pour célébrer, remercier, et louer le Dieu d'Israël. Asaph était le premier, et Zacharie le second, Jehiel, Semiramoth, Jehiel, Matitia, Eliab, Benéja, Obed-Edom, et Jeshiel, qui avaient des instruments de musique, savoir des musettes et des violons, et Asaph faisait retentir sa voix avec des cymbales. Et Benéja et Jahaziel le sacrificateur, étaient continuellement avec des trompettes devant l'arche de l'Alliance de Dieu. Et en ce même jour David remit entre les mains d'Asaph et de ses frères, les psaumes suivants, pour commencer à célébrer l'Éternel. Célébrez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses exploits. Chantez-lui, psalmodiez-lui, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous du nom de sa sainteté, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Recherchez l'Éternel et sa force, cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses miracles, et des jugements de sa bouche. La postérité d'Israël sont ses serviteurs, les enfants de Jacob sont ses îles et l'Éternel notre Dieu, ses jugements sont par toute la terre. Souvenez-vous toujours de son alliance, de la parole qu'il a prescrite en 1000 générations, du traité qu'il a fait avec Abraham, et de son serment fait à Isaac, lequel il a confirmé à Jacob et à Israël, pour être une ordonnance et une alliance éternelle. En disant, je te donnerai le pays de Canaan, pour le lot de ton héritage, encore que vous soyez un petit nombre de gens, et même que vous y séjourniez depuis peu de temps, comme étrangers. Car ils étaient errants de nation en nation, et d'un royaume vers un autre peuple. Il n'a pas souffert qu'aucun les outrageât, même il a châtié les rois pour l'amour d'eux et il a dit, ne touchez point à mes oints, et ne faites point de mal à mes prophètes. Toute la terre, chantez à l'Éternel, prêchez chaque jour sa délivrance, racontez sa gloire parmi les nations, et ses merveilles parmi tous les peuples. Car l'Éternel est grand, et très digne de louange, il est plus redoutable que tous les dieux. Et en effet tous les dieux des peuples sont des idoles, mais l'Éternel a fait les cieux. La majesté et la magnificence marchent devant lui, la force et la joie sont dans le lieu où il habite. Famille des peuples, attribuez à l'Éternel gloire et force. Attribuez à l'Éternel la gloire due à son nom, apportez l'oblation, et présentez-vous devant lui, prosternez-vous devant l'Éternel avec une sainte magnificence. Vous tous les habitants de la terre tremblez, tout étonné pour la présence de sa face, car la terre habitable est affermie par lui, sans qu'elle soit ébranlée. Que les cieux se réjouissent, que la terre s'égaie, et qu'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. Que la mer et tout ce qu'elle contient bruit, que les champs et tout ce qui est en eux se réjouissent. Alors les arbres de la forêt, crieront de joie au devant de l'Éternel, parce qu'il vient juger la terre. Célébrez l'Éternel, car il est bon, parce que sa gratuité demeure à jamais. Et dites, ô Dieu, de notre salut, sauve-nous, et nous rassemble, et nous retire d'entre les nations, pour célébrer ton saint nom, et pour nous glorifier en ta louange. Béni soit l'Éternel le Dieu d'Israël, depuis un siècle jusqu'à l'autre. Et tout le peuple dit, Amen, et on loua l'Éternel. On laissa donc là devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel, Asaph et ses frères, pour faire le service continuellement, selon ce qu'il y avait à faire chaque jour devant l'arche. Et Obed-Edom, et ses frères, au nombre de 68, Obed-Edom, dis-je, fils de Jedutun, et Osa pour portier. Et on laissa Tsadok le sacrificateur, et ses frères sacrificateurs, devant le pavillon de l'Éternel, dans le haut lieu qui était à Gabaon, pour offrir des holocaustes à l'Éternel continuellement sur l'autel de l'holocauste, le matin, et le soir, et pour faire toutes les choses qui sont écrites dans la loi de l'Éternel, lesquelles il avait commandées à Israël, et avec Héman et Jedutun. Et les autres qui furent choisis et marqués par leur nom, pour célébrer l'Éternel, parce que sa gratuité demeure éternellement. Aimant et Jedutun étaient avec cela, il y avait aussi des trompettes, et des cymbales pour ceux qui faisaient retentir leur voix, et des instruments pour chanter les cantiques de Dieu, et les fils de Jedutun étaient portiers. Puis tout le peuple s'en alla chacun en sa maison, et David aussi s'en retourna pour bénir sa maison.